Vaterland, tout nationalismus, haha. Ouais, Genève, bonjour les copains. Acheter aux nazis, de leur voler aux détenus. Mort par millions dans les camps, les camps de concentration. Mort par millions dans les camps, les camps de concentration. À pas partir. N'a pas envahi la Suisse. A-t-elle acheté là aussi sa neutralité pourrie? Mort par millions dans les camps, les camps de concentration. Mort par millions dans les camps, les camps de concentration. Un, deux, un, deux, trois, quatre. Mort par millions dans les camps, les camps de concentration.